Le caïd ici, c'est moi. Ne compte pas trop là-dessus. J'ai compris. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la tienne. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Je veux que vous me donniez le droit de mettre un terme à un manga que je déteste particulièrement. Eh bien, vous allez être servi, monseigneur. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Manga Bouboulou, l'émission 100% manga. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, Julien n'est pas là, mais on a un invité assez spécial. C'est Renaud Lemaire, l'auteur, le dessinateur de Dreamland, un manga français qui est édité chez Pika, qui a débuté en 2006 et qui comporte aujourd'hui 19 volumes. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, et vous ? Super, super, ça va. Alors, je vais présenter ton manga vite fait. Alors, Dreamland, dans Dreamland, on suit les aventures de Terrence, donc qui est un lycéen en STMG à Montpellier. Et Terrence, la nuit, il se retrouve dans un monde de rêve. Et il a un pouvoir, celui de contrôler le feu. En fait, il peut aller dans ce monde parce qu'il a vaincu une peur, celle du feu. Et il a développé cette peur quand sa mère est morte dans un incendie. Voilà, donc ça c'est à peu près le début de l'histoire. Ensuite, il va se passer tout un tas de péripéties où il va rencontrer des amis qu'il a dans le monde réel, qui sont eux aussi devenus des voyageurs. Donc c'est des gens qui peuvent aller dans le monde de Dreamland. Et il va les retrouver justement dans Dreamland. Est-ce que je présente assez bien ? Oui, nickel, impeccable, bravo. J'aurais pas fait mieux, il n'y a pas de souci. Parfait, parfait, alors. Bon, alors je vais te poser 2-3 questions sur ton parcours. Je me suis un peu documenté et voilà, j'ai quelques questions à te poser là-dessus, du coup. Déjà, j'ai vu que tu t'étais intéressé à la BD vers l'âge de 7 ans et que tu as voulu devenir mangaka, enfin, tu as voulu travailler dans le monde de la BD japonaise vers l'âge de 16 ans. Mais est-ce qu'il y a des mangas en particulier qui t'ont donné envie de poursuivre dans cette voie ? Alors c'est pas exactement ça, en fait j'ai découvert la BD plutôt qu'à 7 ans. Donc c'est à 7 ans que j'ai décidé que j'ai fait ma première BD et que je m'étais dit que je voulais être auteur, donc c'est-à-dire raconteur d'histoire. Donc puisque même des fois je faisais des petites BD tirées de dessins animés et tout, donc en fait à mon âge à 7 ans c'est vrai qu'il y avait que le format franco-belge. Donc c'était des cases et des bulles au nombre de pages de ce format. Après j'ai découvert à l'âge de 16 ans, exactement, les dates sont bonnes, disons que c'est plus les termes. J'ai découvert le format manga à l'âge de 16 ans avec un Dragon Ball japonais que mon cousin m'a mis entre les mains. Et moi qui étais raconteur d'histoire, qui avait déjà fait, depuis l'âge de 16 ans, j'avais dû faire une cinquantaine déjà de petites séries et tout, puisque c'est vraiment ma passion, raconter des histoires. Parce que c'est ça qui est bien, la BD, c'est ce qu'on dit, c'est le cinéma du pauvre, c'est un crayon et une feuille, et t'es limité que par ton imagination. Tu vois, la technique, c'est quand tu deviens pro, mais en fait, quand t'as 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et que t'as envie de te raconter, une histoire avec 12 chevaliers qui attaquent 12 dragons et tout, tu peux. On s'en fout que ce soit mal dessiné, puis c'est pour toi, tu te fais ton propre plaisir. En fait, la BD, moi, j'ai vu vite dans la BD le fait de pouvoir continuer ce que tu fais quand t'es petit, tu joues avec tes figurines, avec tes jouets. On fait tout ça, on invente des histoires, on cherche les décors, tout ça quand on a nos jouets. Mais la BD, ça permettait de laisser une trace, c'est-à-dire tu le dessines. Tu dessines tes petits héros, tu leur fais vivre les aventures que tu veux. Et donc voilà, je fais ça depuis tout petit, depuis tout le temps. Et puis en grandissant, tu as de plus en plus de lectures et je suis arrivé pile... Je suis de la génération Club Do, comme on dit tous souvent. Et donc là, mon cousin m'a mis un manga entre les mains, et ça, parfois, je voyais un objet comme ça, où j'ai dit, putain, mais c'est une BD où on peut raconter, c'est une BD avec 200 pages, noir et blanc, où des fois, ils n'hésitent pas à mettre que 3 cases par page. Donc du coup, ça m'a vachement encore plus inspiré dans la façon de raconter l'histoire. Je pouvais sortir de ce format 48 pages et raconter plein d'histoires. Donc du coup, après, j'ai kiffé le style et tout, mais le style japonais, je l'aimais depuis déjà tout petit, puisque ce que je voyais à la télé, c'était Goldorak et tout, et sans savoir que c'était japonais. Donc tu vois, en fait, moi, mon style, il est japonisant depuis tout petit, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai sous les yeux, et le format Jap, je l'ai découvert à 16 ans. Donc c'est vrai que forcément, on fait l'amalgame en disant, ah, il voulait être mangaka et tout, mais tu sais, mangaka, c'est un mot qui en ce moment est à la mode, c'est pour nous désigner, nous, en tant que, on fait du manga, mais en fait, moi, je suis auteur. Je suis un raconteur d'histoire. Ma première série connue par les gens, c'est un manga, donc on m'appelle comme ça. Mais en fait, demain, si je fais une BD, tu vois, prédominante si je fais une BD, et après la BD si je fais un comics, comment on va m'appeler, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste une façon de raconter des cases et des bulles. Donc voilà, donc c'est ça, c'est découverte du format. Et de depuis que j'ai découvert ce format, j'avoue que j'ai dessiné que des mangas, que des histoires avec beaucoup de pages, parce que ce manga, ce format, cette façon de raconter, ce rythme, cette narration va parfaitement avec avec les idées et ma façon de raconter. Tu vois, je suis quelqu'un qui raconte, qui fait beaucoup de personnages et tout. Donc en fait, Dreamland, c'est juste l'aboutissement de toutes les BD que j'ai fait. Tu lirais toutes les petites histoires que j'ai fait de 15 à 20 ans ou à 10 ans, tu dis, ah, mais en fait, c'est les brouillons de Dreamland, il y a les mêmes ingrédients, tu vois. Donc voilà. Ok, t'as toujours été quelqu'un très imaginatif, du coup. T'as toujours voulu raconter des histoires, en fait. Ben, en fait, c'était plus, ben, ça permettait de pouvoir s'évader qu'avec un crayon et un papier. J'étais pas forcément un gars fort en dessin. Encore une fois, quand on dit, ah, t'as beaucoup d'imagination et tout, c'est l'imaginaire, on en a. Il n'y a pas quelqu'un qui en a plus ou moins que les autres. C'est juste que, en fait, quand tu réfléchis, bon là on va dériver un peu, mais quand tu réfléchis au temps qui te reste à toi, à être tout seul, quand tu rentres de ton boulot, quand tu regardes pas la série, une série à la télé, quand tu regardes pas ton portable et tout, en fait l'ennui développe l'imaginaire. Et en fait les gens qui ont un peu plus d'imagination, comme on dit, comme moi, c'est des gens qui se sont, moi je me suis sûrement plus ennuyé que toi. Tu vois, et en fait, quand on s'ennuie, on est tout seul avec son cerveau, et on pense à des trucs, et on part. Donc c'est vrai que moi, très tôt, j'ai toujours voulu, je me suis toujours trouvé, et encore aujourd'hui, des moments à moi, sans qu'on soit sollicité, sans que notre cerveau soit sollicité par tout ce qui nous entoure. Quand on y réfléchit, on n'a pas de temps à nous, tu vois. Et donc en fait, c'est ça, les mecs qui ont un peu plus d'imaginaire, c'est pas qu'on est plus trippé que n'importe qui, c'est que, ben, dans l'histoire de ta vie, t'as dû sûrement avoir, on s'est laissé plus de temps pour le développer. Tu vois, et pour développer son imaginaire, il n'y a qu'une chose, c'est être tout seul. C'est, du moment que tu vas faire quelque chose, tu peux pas penser à d'autres trucs. Donc en fait, moi, c'était ça, hein, c'était vraiment l'envie. Une fois que j'avais joué avec mes jouets, j'avais envie de continuer l'aventure, mais j'étais limité parce que mes parents m'avaient acheté que 3 figurines. T'as juste envie de, quand tu veux faire une bataille avec une armée, avec tes jouets, mais tu sais quoi, ben, je vais les dessiner. Je vais faire des cases et des bulles et tout pour raconter le truc. Et au moins, ça laisse une trace. Comme ça, le lendemain, je peux reprendre l'épisode que j'ai fait, le redessiner et tout. Donc, c'est vraiment ça. C'est une façon d'exploiter son imaginaire. Ok, ok. Et après, j'ai kiffé le format et voilà. Tu vois, et la technique vient après. Ok. Donc, tu as été étudié aussi après à l'université de Montpellier. Tu as étudié l'art plastique. Et c'est là que tu as rencontré Salim Kafiz. Donc Salim Kafiz qui est ton meilleur ami, il me semble, et il occupe une place assez importante dans la production de ton manga, je crois. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as rencontré et comment en fait vous êtes venu à faire une espèce de collaboration pour Dreamland? Ouais, carrément, ben c'est ça, c'est en fait, tu vois, moi j'ai donc ça va avec ce qu'on disait avant, c'est très bien, les questions sont dans le bon ordre chronologique, c'est cool, bravo. C'est que ben, du coup, moi j'étais le mec qui cherchait pas la technique, qui faisait que dessiner des pages. Donc c'est vrai qu'on lit souvent que j'étais en art plastique, mais en fait c'était après le bac. Moi j'ai un bac comptabilité et gestion, comme Terence. Moi je viens pas d'une famille très artistique et tout, où je suis jamais allé dans une librairie. Moi les BD que j'avais, c'était les BD que ma mère m'achetait à Carouf quand elle allait faire les courses et tout. Donc j'étais pas un gars super curieux dans le sens, je suis allé en librairie, je découvrais des BD extraordinaires. Donc moi j'avais des BD les plus lambda, les Astérix, les Tintin, les Dragon Ball. J'étais pas quelqu'un qui réfléchissait à la technique. Je prenais un crayon, un stylo et je dessinais. On m'achetait pas du matos de ouf et tout. Donc ça c'est toute mon évolution de dessiner jusqu'au bac. Donc évidemment je faisais, tu sais, dans ta classe, il y en a toujours un qui dessine bien. Donc j'étais celui qui dessinait bien, mieux que les autres, mais sans plus, tu vois. Mais je faisais plein de BD, plein d'histoires sur mes profs et tout le long du lycée. Donc une fois que j'ai eu mon bac en galérant parce que j'étais pas du tout fait pour la compta, on s'est dit, ben tiens, peut-être avec ma mère et tout, parce que le bac, je l'ai obtenu pour les parents, voilà, on s'est dit, tiens, il a l'air de dessiner, de faire son truc, est-ce qu'on chercherait pas, après le bac, à aller dans des écoles ou voir, tu vois. Donc là, c'était un peu le côté de la famille qui disait, bon, ben voilà, maintenant qu'il y a le bac, pourquoi pas essayer de l'encourager dans sa voie. Et en fait, quand il sort d'un bac STT, moi, j'ai tenté les inscriptions Gobelin, Émile Coll, toutes les écoles d'art et de BD. Donc j'ai été bien évidemment refoulé parce que moi j'étais un petit mec qui dessinait tout seul dans sa chambre, qui avait aucune compétence, aucun vocabulaire et tout. Je savais pas ce que c'était un ancrage. Pour moi l'ancrage, je savais pas ce que c'était. Moi je repassais mes dessins au noir, mais je savais pas comment ça s'appelait. Donc dans les derniers souvenirs, tu sais, quand après, avant juste les derniers mois avant le bac, on te demande tes 5-6 souhaits, ben évidemment j'avais mis fac art plastique, puis c'était le seul truc qui te prenait sans concours, et il fallait avoir le bac. Donc comme j'ai été refoulé par tous les autres souhaits d'avant, et ben j'ai fini en art plastique. Je n'y ai rien appris, et c'était pas du tout mon délire, parce que je voulais faire que de la BD. Mais par contre, ce qui était cool, c'est que quand t'arrives là-bas, ben t'es plus le seul mec qui dessinait dans la classe, t'es entouré que de gars qui étaient celui qui dessinait bien dans la classe. Et donc en termes de rencontres et d'amitié, c'était génial. Et du coup, j'ai rencontré Salim, qui fait en effet partie de mes meilleurs amis. Et en fait, lui, c'était le parfait opposé de moi. C'est-à-dire que la même passion de BD et de dessin, il a dessiné très tôt, lui aussi. Comme on a le même âge, et ben il a aimé les mêmes choses, il dessinait les mêmes choses, sauf que lui, son parcours, c'était différent. Et sa mère, déjà, il est d'un caractère très très curieux. Donc le mec, en fait, quand on s'est rencontrés à 20 ans, il connaissait, tu lui citais n'importe quel BD, il connaissait l'auteur, il connaissait sa vie, il connaissait sa technique, il connaissait des BD obscurs, le mec, il a passé sa jeunesse à farfouiller dans les librairies, sa mère lui a mis des pinceaux dans les mains quand elle avait 5-6 ans, donc il avait accès à tout matos. Donc en fait, c'était vraiment mon opposé, c'est-à-dire le mec très très au courant de tout ce qui se fait. Mais par contre, moi, j'avais vraiment le fait d'être simple et de pas me poser de questions et de dessiner tout seul dans ma chambre sans savoir ce que faisaient les autres. Et ben, ça m'a donné, c'est là que je m'en suis compte, là-bas, dans cette classe, une force que personne n'avait. En fait, c'était ça. Salim, il s'est retourné en cours, il entendait le crayon fuser, il m'a dit, mais il y a personne qui dessine aussi vite que toi, il y a personne qui fait des BD aussi vite, d'où tu sors? Alors, j'avais vraiment des lacunes techniques, mais dans la spontanéité et dans l'énergie, j'étais le seul, parce qu'en fait, c'est ça. Quand t'as un gamin qui s'est pas posé de questions et qui fait ça naturellement sans savoir les termes et tout, tu acquiers cette faculté qui devient du coup limite, moi, dessiner de la BD, faire du storyboard, c'est aussi facile que respirer. Et lui, à l'inverse, comme il connaissait les techniques, il avait analysé plein de BD et tout, il se prenait la tête sur ses narrations, fallait que ça soit nickel, direct et tout. Donc en fait, moi, j'étais impressionné par ce mec du même âge qui avait une connaissance d'un gars de 50 ans dans le milieu de la BD, qui avait tout testé déjà, qui connaissait tout. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à ses côtés. Et moi, j'ai apporté la spontanéité parce qu'il voyait en face un mec qui était pur dans le... En disant, ben, ce mec connaît rien, mais en fait, c'est de la pure énergie. Donc c'est pour ça que la complémentarité, je cherche pas, elle a été parfaite en fait. Chacun avait des compétences. Il y en avait pas un au-dessus de l'autre, tu vois. C'était vraiment... Donc en plus, on kiffait les mêmes choses, les mangas et tout. On avait les mêmes valeurs en tant qu'humain et tout, donc vraiment ça a été, on restait toujours collé. Donc du coup, notre prof de BD là-bas à la fac, il a dit, les gars, vous avez rien à faire à la fac, faites votre BD, faites votre petit dossier et tout. Et donc on s'est monté, on a créé un petit univers tous les deux, et on a fait ça super pro, parce que Salim savait comment démarcher les éditeurs et tout. Donc on a travaillé sur un dossier éditorial, donc la BD s'appelait Fantasiane Saga, un truc de l'heroic fantasy ultra trippé, format franco-belge, mais encore, on commençait à dériver. Et donc, travailler sur un projet pro avec un pote à deux, c'est un truc que moi, j'avais pas l'habitude de faire. Et donc, ce dossier éditorial, tu vois, on a mis un an et demi à bien le préparer. Donc, pendant un an et demi, tu fais 15 pages jolies. Moi, Salim, il m'enfermait chez lui pour que je comprenne l'ancrage. Donc, j'ai refait 150, enfin, j'exagère, mais j'ai dû faire 30 fois les mêmes pages pour comprendre l'ancrage, pour comprendre les déliés, parce que moi je faisais que repasser le crayonné. Il m'a dit, mais non, regarde, une bonne BD, il faut un ancrage avec des déliés, des ombres portées, machin. Donc tu vois, tous ces termes, c'est lui qui nous a appris. Et donc c'était ça, j'ai beaucoup beaucoup appris, et on était en train de travailler ce projet pro. Et moi, comme depuis tout à l'heure je dis, tu vois, moi mon truc c'est quand même l'éclate, c'est raconter des histoires, c'est faire beaucoup de pages quand je rentre chez moi, ben j'avais ce manque de dire, ça fait un an que je suis sur 15 pages pro à refaire 150 fois la case, mais ça ne me raconte rien, puisqu'on sait déjà où on va. Et donc Dreamland est né de là. Quand je rentrais de bosser de chez Saline, eh ben j'étais en train de créer mes petits persos, de faire mon petit Dreamland pour moi, parce que je suis un boulimique de la page. Il faut que je dessine des pages, il faut que je raconte des histoires. Pas pour les autres, pour moi. Et donc Dreamland est né là. Et donc après, entre temps, on est allé à Angoulême présenter Fantasia and Saga. On a eu des très très bons retours. Tu vois, c'était Angoulême 2003. Tu vois, on est parti en voiture avec mon prof de BD, Bruno Canard, qui reste pareil, une personne très importante dans mon parcours. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, après Salim a continué la fac, il avait moins de temps et tout, donc moi je continuais un peu Dreamland, Fantasia and Saga était un peu mis en stand-by. Et puis je sais pas pourquoi, un jour j'ai tout seul chez moi, j'ai cliqué sur les sites de manga, les sites qu'il y avait à l'époque en 2004, hein, les Pika, les Kana, où t'avais juste le contacter nous, et je voulais juste savoir ce qu'ils pensaient, j'ai envoyé 2-3 dessins et 2-3 lignes sur Dreamland. Donc pas du tout un dossier éditorial comme je savais comment il fallait faire et comment on était en train de faire la Fantasy and Saga. Et de là, par contre, il y a eu un retour de fou. Mais de fou, fou. Donc c'était trop chelou. T'es en train de faire un dossier super pro avec ton pote, t'as pas trop de retour. T'envoies trois petits dessins, une petite ligne sur un petit manga que tu fais de ton côté. Et là, t'as 5-6 éditeurs qui te répondent dans la semaine. Donc justement, j'ai pas sauté de joie. J'en ai parlé à Salim direct. J'ai fait, voilà, on était assez chelou et tout. Et donc, de fil en aiguille, c'est Dreamland qui a été signé. Et comme Salim était toujours là et qu'il m'a dit, tu sais, Renaud, si la franco-belge, les mecs, ils font 48 pages en un an, c'est que faire la BD, c'est long. S'il n'y a pas de Français qui font du manga, qui font du 200 pages en 6 mois, c'est que ça n'existe pas. Au Japon, ils ont des assistants et tout. Donc, du coup, Salim, dès le tome 1, m'a aidé sur Dreamland, puisqu'on a mis en avant le fait que c'est Dreamland qui était mis en avant. Donc, on a mis Fantasia and Saga en stand-by. Toujours en stand-by, tu vois, d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai embarqué, Salim, on s'est embarqué dans la mouvance, dans le tourbillon qui est Dreamland, quoi. Donc voilà, petite histoire. Ok, d'accord. J'ai deux questions, du coup. Est-ce que, déjà, est-ce que Fantasia Saga, que c'est un projet qui verra le jour, ou est-ce que il restera toujours en stand-by ? Tout est calé, et là, on a envie. Moi, c'est comme tous les petits projets que j'ai, parce que ça, Fantasia Saga était avant, mais depuis Dreamland, j'ai d'autres envies, d'autres idées, j'ai tout noté, tout est calé. Il faut savoir quand avoir le temps. Fantasia Saga, ça sera avec Salim. Donc, il a aussi sa vie et tout, c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet qui a un potentiel de ouf. On est sûr et certain que c'est trop délire et que même encore aujourd'hui, il y a pas cette façon de raconter à la mode Heroic Fantasy, puisqu'encore une fois, comme je dis souvent, c'est les personnages qui font l'histoire. Tu aimes une série, tu aimes un film, tu aimes une BD pour les personnages. En fait, on a créé des persos mais tellement, tellement rigolos, tellement atypiques et tout, que on sait que le jour où on s'y met, en plus on a progressé. Moi j'ai progressé, j'ai un nom dans la BD, donc on sait que si demain on fait Fantasia Saga, on galérera pas pour trouver un éditeur, on galérera pas niveau pro parce que maintenant on est tous les deux pros et tout, mais c'est vrai qu'il faut du temps, il faut se retrouver tous les deux, donc c'est en stand-by. Maintenant, est-ce que ça serait le premier projet après Dreamland ou quoi, ça je pourrais pas te dire, tu vois, parce que je sais pas de quoi est fait l'avenir et tout, mais évidemment que c'est toujours dans un coin de notre tête parce que ça fait partie de nous. Et que c'est pas justement une histoire de jeunesse où tu dis ah tu l'as écrit avec ton pote mais quand tu regardes aujourd'hui ça a mal vieilli. Au contraire, dans une saga comme on l'a fait tellement pro pendant un an et demi, tu sais, on a tout écrit, hein, les tomes, on sait le nombre de tomes qu'il y a, ils sont tous calés et tout, il y a qu'à la faire, mais voilà, comme déjà Dreamland me prend tout mon temps et toute mon énergie, c'est un stand-by. Et est-ce que tu penses que sans Salim, justement, tu aurais mené ce projet de Dreamland, ou est-ce qu'il serait sorti juste plus tard ? En fait, ton parcours fait... Le parcours qu'on a se fait avec les rencontres. Donc, ma volonté de faire de la BD a toujours existé depuis tout petit. Donc oui, je ferai ce métier, je pense, aujourd'hui. Et Salim me l'a dit quand... Il me l'avait dit de toute façon qu'il n'y a que toi. T'es fait pour faire la BD. C'est avant tout un compliment et aussi... un défaut parce que je pourrais rien faire d'autre. Il fait, tu peux pas être graphiste, ton truc c'est la BD. Et c'était ça, c'était en mode, je dis, ah ouais, c'est chaud, j'ai pas trop. Il fait, non, mais c'est une force. C'est que t'es né pour faire ça, t'as le storyboard, tu storyboard des, ta narration elle est fluide et tout d'entrée, tu galères pas pour ça et tout, t'es fait pour ça. Donc après, évidemment, les rencontres font que tu progresses d'une certaine façon, les rencontres t'enrichissent. Donc je pense que je serais pas où j'en suis, s'il n'y avait pas eu Salim et s'il n'y avait pas eu plein d'autres gens, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est sûr qu'avec des si, où on en serait, est-ce qu'on aurait fait tel choix ou pas, peut-être qu'il y a eu plus de ventes, peut-être qu'il y en aurait eu moins, on ne sait pas, mais évidemment qu'aujourd'hui, lui, comme Romain, comme plein d'autres, font partie, c'est grâce à eux que j'en suis là aussi, c'est clair. Ben non, c'est la réponse lambda, mais comme depuis je crée tous les persos, je suis le dieu, je les connais, je m'y attache parce que justement je leur déroule la vie, ils sont en train de me raconter des trucs, donc je les aime tous, j'en déteste aucun, il n'y en a aucun, tu vois, quand t'es auteur, tu fais des persos que tu sais dessiner, tu vas pas commencer à designer un truc où tu vas galérer. Donc même ça, il n'y en a pas des plus compliqués que d'autres, je dessine que des persos que je vais maîtriser. Donc il y a des persos plus longs à faire. Évidemment qu'il y a ça va, il est plus long à caler, à colorier parce qu'il a les cheveux noirs, machin, mais c'est pas parce qu'il est plus long que je vais moins l'aimer, tu vois. Donc en fait, c'est la réponse classique, mais franchement, j'ai réfléchi parce qu'on me la pose souvent, c'est vraiment non, je les aime tous. Il n'y en a pas un qui sort du lot, mais jamais. Tu vois, c'est comme je les ai créés pour moi et parce que j'ai envie de les aimer, ben j'ai créé que des persos que j'ai kiffé en fait. Un perso que j'ai pas kiffé, ben je vais pas le créer en fait. Eh ben merci Renaud, c'était super intéressant. Cool, ben écoute, de rien, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, pas du tout justement, c'est très bien comme ça. Merci à toi. Merci à vous, c'était cool aussi, très bonne question, c'était sympa. À bientôt pour une nouvelle émission. Ça marche, à bientôt. À bientôt.